Cet épisode a été réalisé dans le cadre du programme CEPAGE, porté par les communautés de communes de Haute-Gironde, dans le cadre du programme régional Santé-Environnement. Cette démarche vise à co-construire les pratiques viticoles en Haute-Gironde, respectueuses de l'environnement et de la santé. Les pratiques viticoles et agricoles en général sont régulièrement sous le feu des projecteurs. De nombreux débats, injonctions parfois contradictoires, incitations au changement, rendent parfois peu lisible ce qui se joue aujourd'hui dans les vignes françaises. À l'aide de notre micro, nous sommes allés à la rencontre des acteurs qui construisent et façonnent le monde viticole. L'objectif était de comprendre comment ce monde s'organise, fonctionne et se transforme sous la pression de diverses injonctions. Dans ce premier épisode, nous nous intéresserons à l'évolution qu'a connue le secteur viticole, notamment bordelais. D'une pratique vivrière, ancrée dans une tradition de polyculture, comment est-ce que la mondialisation a bouleversé les pratiques culturales? Ensuite, nous nous pencherons sur la profession viticole, pour comprendre ce qui se joue dans les vignobles, entre aléas climatiques et transformation du métier. Finalement, nous changerons d'échelle. Des exploitations viticoles, nous essaierons de comprendre comment se structure l'ensemble de la filière, puis nous nous arrêterons sur le contexte économique actuel auquel les acteurs du vin sont aujourd'hui confrontés. La France est aujourd'hui l'un des premiers pays viticoles au monde. C'est le deuxième pays producteur, juste après l'Italie, et le premier pays consommateur de vin. La Nouvelle-Aquitaine est quant à elle la première région viticole d'Europe. Mondialement connue, le vignoble bordelais, qui s'étale sur tout le département de la Gironde, compte parmi les appellations les plus connues, comme le Médoc, Pomerol, Graves, Sauternes ou Saint-Émilion. Aujourd'hui, les vins produits en Gironde fournissent 1,5% du marché mondial. Sur la rive droite de l'estuaire, entre la métropole bordelaise, le Grand Libournais et la Charente-Maritime, le territoire de la Haute-Gironde se compose de quatre communautés de communes, Blaye, l'estuaire, le Grand Cubzaguet et Latitude Nord-Gironde. Ce territoire compte 63 communes pour environ 90 000 habitants. Comme beaucoup de territoires en Gironde, la viticulture y est le premier secteur d'emploi et près des trois quarts du paysage sont recouverts de vignes. Ainsi, la culture de la vigne et la production de vin sont une composante centrale de l'identité culturelle locale. Mais depuis quand, exactement, cultive-t-on là-bas l'art du vin? Dans son ouvrage « Histoire de la vigne et du vin en France », le géographe et historien Roger Dillon situe la naissance du vignoble bordelais aux alentours du 1er siècle. La culture de la vigne, cantonnée au climat chaud et sec du bassin méditerranéen, réussit à s'implanter dans l'actuel sud-ouest de la France grâce notamment à un nouveau cépage plus résistant au froid et à l'humidité, le biturica. Au fil des siècles, le vignoble bordelais se développe grâce à l'essor du commerce maritime et aux échanges avec d'autres puissances importatrices de vin, l'Angleterre d'abord, puis la Hollande et le reste des pays du nord de l'Europe. L'estuaire de la Gironde joue un rôle déterminant dans le commerce du vin, et donc dans la renommée internationale des vins de Bordeaux. C'est vers le XVIe siècle que l'on situe la naissance des vignobles dits de qualité. En histoire moderne, c'est-à-dire la période essentiellement des XVIe, début XIXe siècle. Stéphanie Lachaud, maîtresse de conférences en histoire moderne à l'université de Bordeaux-Montaigne. On considère que c'est un moment de mise en place de la spécialisation viticole et de la naissance des vignobles dits de qualité en France. Alors la viticulture est beaucoup plus ancienne, ça on en est d'accord. En revanche, le fait qu'il y ait des productions, on va dire, identifiés à des espaces comme le vignoble de Champagne et le vin de Champagne. C'est vraiment une particularité de la période moderne et plus précisément de la période qui court des années 1650 jusqu'à, on va dire, à la fin du XVIIIe siècle. Si ces vignobles modernes produisent un vin qui se boit dans toute l'Europe, la pratique culturelle qui s'y déploie n'a rien à voir avec ce que l'on connaît aujourd'hui. On y pratique le système de la joual, qui consiste à associer plusieurs types de cultures sur une même parcelle. On est bien loin des champs de vigne à perte de vue. Le principe, c'est d'associer sur une même parcelle, plusieurs types de cultures. En Italie, on a régulièrement l'association de l'arbre et de la vigne, c'est-à-dire que la vigne court sur le pied de l'arbre et grimpe dans l'arbre. En bordelais, En Aquitaine, c'est beaucoup plus rare parce que le climat nécessite souvent que la vigne soit plus marquée par le soleil et ce que l'arbre permet moins parce qu'il apporte aussi de l'ombrage au raisin. Donc en Bordelais, la forme de la joual, c'est surtout une vigne sur piquet, qu'on appelle des échalas, et ensuite des rangs de vignes qui sont suffisamment espacés pour permettre des cultures intercalaires. Ce sont donc en fait des cultures intercalaires vivrières qui sont destinées à l'alimentation quotidienne et assez peu à entrer dans des circuits de commercialisation ou alors à l'échelle locale. Donc ça, c'est le principe, on va dire, des joals, des rangs de vignes suffisamment espacés pour des cultures intercalaires, qui ont plusieurs avantages, en fait, permettre une alimentation régulière de la famille, on va dire quasiment quotidienne, limiter l'impact aussi d'un aléa, quel qu'il soit climatique ou ensuite lié à l'invasion de ravageurs, puisque la terre permet de cultiver autre chose. La troisième vertu des joals, c'est le fait que du coup le sol est travaillé. Le sol est travaillé et il y a moins de pousses d'adventices, type chiendent, qui fait partie aussi des problématiques de parcelles de vignes moins cultivées. Donc ce sol régulièrement travaillé, c'est sans doute, on va dire, ce qu'aujourd'hui, nous, on appelle ben, la permaculture, mais c'est, on va dire, une manière intuitive de concilier ces différents impératifs à la fois culturels et alimentaires. Nous l'avons bien compris. Les campagnes bordelaises, si elles produisent des vins qui s'exportent à l'international dès le XVIe siècle, n'avaient pas grand-chose à voir avec le paysage de quasi-monoculture que l'on connaît aujourd'hui. De même, la gestion des parasites, avant l'arrivée des traitements, n'avait pas grand-chose en commun avec les pratiques actuelles. Ce qui est souvent évoqué, c'est la gestion des parasites, notamment ben, ce qu'ils appellent les limaçons, donc limaces, escargots. La seule manière que l'on avait de le faire, ben, c'était de les faire ramasser à la main par les femmes et les enfants. Donc, dans les journaux d'exploitation, on a des journées entières qui sont payées pour les femmes et les enfants pour ramasser ce type de. Ce qu'ils appellent les limaçons, donc en général c'est limaces et escargots. Ensuite, pour les maladies typiquement oïdium, choses comme ça, on n'a pas forcément d'informations à ce moment-là. Ce que l'on a comme connaissance, ce sont les pratiques préventives, c'est-à-dire effeuiller la vigne pour qu'il y ait une bonne maturation du raisin et éliminer les feuilles qui sont malades régulièrement. Encore une fois, par des travaux ponctuels et des journées de travailleurs que l'on va payer. Et quoi qu'il en soit, on n'a pas de moyens encore autres que cela pour lutter contre ce type de problématique, en fait. Avant les produits chimiques, on n'a pas tellement de moyens, si ce n'est enlever les feuilles malades pour lutter contre. Et d'ailleurs, certains historiens disent que la vigne est une culture, entre guillemets, peuplante. Peuplante, tout simplement parce qu'on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre pour cultiver un hectare de vigne, bien plus que pour cultiver un hectare de céréales. Donc la vigne, les espaces viticoles sont des espaces plus densément peuplés. En revanche, pour tout ce qui est grands travaux, comme la vendange, il y a de la main-d'œuvre, on va dire, étrangère qui arrive. Étrangère, c'est-à-dire qui vient d'autres régions. Par exemple, en Bordelais, on a des saintongeais régulièrement qui viennent, ou des gens qui viennent du quart sud-ouest, donc d'autres régions. Les échanges commerciaux vers l'Angleterre et la Hollande, notamment, modifient durablement les pratiques viticoles. L'augmentation de la demande, la fin des pénuries alimentaires et l'arrivée de nouvelles maladies bousculent les campagnes bordelaises. La question de la mondialisation, en fait, elle est à la base de la naissance des vignobles de qualité. Il n'y aurait pas eu de vignobles de qualité à Sauternes, dans le Médoc, s'il n'y avait pas eu déjà de mondialisation dans le sens plus européen du terme pour l'époque moderne. Mais s'il n'y avait pas eu le marché hollandais, mais il n'y aurait pas eu de spécialisation viticole. Dans les années 1650, on a déjà besoin de vin blanc doux là-bas et on commence à en boire. Et au XVIIIe siècle, ça ne cesse de s'accroître. Cette hausse de la demande sur le marché hollandais favorise la spécialisation des terres agricoles bordelaises vers la culture de la vigne. Cette augmentation de la demande rend la production de vin particulièrement attractive et rentable. La spécialisation des espaces viticoles a rendu le foncier plus attractif et plus cher. Parce que les vins, quand ils se vendent bien et quand ils ont un marché, eh bien, sont plus intéressants à produire que le système des joules. Donc, en fait, la valorisation du vin sur le marché international est un élément qui a petit à petit orienté les terres vers une plus grande spécialisation. Et dans les domaines des propriétaires nobles, qui n'ont pas du coup de crainte pour la survie alimentaire ni de crainte économique profonde en cas de mauvaise récolte, eh bien, dans ces espaces-là, on a ce qu'on appelle une spécialisation en vigne unie, donc en vigne pleine, comme aujourd'hui on le voit. Donc finalement, ce qui explique ce passage, c'est l'avantage comparatif d'un point de vue économique avec la valorisation sur le marché du prix accordé à ces vins. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est aussi le fait qu'on améliore très largement les autres moyens d'approvisionnement alimentaire. Les autres moyens d'approvisionnement alimentaire complémentaires qui font que l'impératif de production par soi-même n'est plus aussi grand. Parce que le XVIIIe siècle est quand même une époque où on échange aussi d'un point de vue alimentaire. On n'a plus de grandes périodes de famine. On a aussi eu dans les campagnes françaises de meilleurs rendements par de meilleures pratiques, une meilleure connaissance d'un certain nombre d'innovations agronomiques, un meilleur outillage, une meilleure rotation des cultures, l'introduction de nouvelles plantes comme le maïs par exemple. Donc, en fait, il y a une conjonction de facteurs favorables à cela, mais il y a aussi à l'intérieur des campagnes une amélioration importante des rendements qui s'explique par de meilleures pratiques qui sont observées et petit à petit mises en pratique. Alors, pas partout, pas tout le temps, mais ça fait qu'on a une augmentation progressive des rendements qui n'a rien à voir avec celle que l'on va observer grâce à la mécanisation. Et à la chimie, évidemment, elle est moindre, mais qui est progressive. Les 18 et 19e siècles, parce qu'ils favorisent l'ouverture sur le monde, voient donc la région de Bordeaux se spécialiser dans la production de vin. Les vignobles grossissent, la pratique de la joual disparaît, en parallèle que le risque de famine diminue. Cette période, cruciale pour le développement des vignobles, est aussi celle de l'apparition de nouvelles maladies. C'est ce que nous raconte Christophe Terrijol, viticulteur au château des Matards sur la commune de Saint-Cyr-sur-Gironde. Ces échanges mondiaux qui se sont faits ont vu apparaître des maladies qui n'étaient pas connues sur la vieille Europe. Des maladies qui ont été importées de zones où ces maladies-là n'avaient pas d'impact sur la plante locale. Et on a vu apparaître la première grosse invasion parasitaire et cryptogamique a été le mildiou sur les pommes de terre au 19e siècle quand elle est apparue en Irlande. Ça a été la grande famine irlandaise et ce qui a provoqué des désastres humanitaires à travers un petit champignon qui s'appelle le mildiou et qui a détruit donc les champs de pommes de terre en Irlande et qui est apparu au nord de la France dans les champs de pommes de terre et qui s'est adapté à la vigne puisqu'il a descendu sur la vigne et puis on l'a vu apparaître sur nos cépages qui étaient sensibles à cette maladie-là, le merlot, le cabernet, le sauvignon. Si le XVIIIe siècle bouleverse profondément la viticulture, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale qui fait basculer l'ensemble de la profession dans la viticulture contemporaine. Une production massive à destination d'un marché mondial, et l'utilisation de produits de synthèse pour assurer les rendements. Au sorti de la guerre, en 1945-50, les préoccupations du français n'étaient pas la pollution des produits, ou quel qu'il soit, c'était surtout qu'il fallait qu'ils mangent. Et il y a une mission qui a été donnée par l'Europe à cette époque-là, et c'est pour ça qu'est née la CE, la Communauté économique européenne, c'était que l'agriculture nourrisse l'Europe, les Européens et les Français. Alors, quand cette mission a été demandée aux agriculteurs, ils se sont adaptés et ils ont produit. Et ils ont fait ce qu'il fallait pour produire, pour en arriver aujourd'hui, peut-être à une surproduction, mais au moins ils ont permis à tout le monde de manger. L'agriculture, dans cette période-là, a répondu présente et elle a fait ce qu'il fallait, ce qui devait être fait. Alors, c'est nos grands-parents qui l'ont fait, mais on continue, nous, à faire ce qu'on nous demande. Aujourd'hui, vous nous demandez de produire différemment, mais on va s'adapter et on va le faire. Le désherbage est bien l'exemple même de ce qui nous a été demandé il y a quelques années, où il fallait produire mieux, et il fallait surtout produire plus, et avec beaucoup moins de main-d'œuvre aussi, hein, parce que c'est la période de l'exode rural. Alors qui dit exode rural dit concentration, enfin vous voyez, c'est tout le cheminement. Mais c'est une période où il y a eu une véritable révolution dans les fermes et dans l'agriculture. Et comme toute révolution, on ne s'imagine pas quand ça peut s'arrêter. Ça a dépassé, puisque on a produit plus et on produit aujourd'hui plus qu'on ne le devrait ou le besoin. C'est sûr qu'après la guerre, toute l'industrie de guerre a été transformée et devenue au service de l'agrochimie. Elisabeth Marcotuyot, directrice de l'Institut national de médecine agricole et médecin conseil à la Mutualité sociale agricole. Donc avec des gros laboratoires comme Bayer, par exemple. Et on a découvert à ce moment-là des insecticides qui étaient hyper performants, qui tuaient magnifiquement bien les insectes, sans se poser la question de quel est l'impact environnemental de ces insecticides. Et il y a eu donc notamment cette grosse classe d'insecticides qu'on appelle les organochlorés, dont vous connaissez un élément qui est le DDT, qui était utilisé pour tuer les poux, qui est toujours utilisé en Afrique contre le palu, et qui était un insecticide absolument fantastique, mais qui, au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte qu'il y avait une rémanence dans les sols qui était absolument monstrueuse, au point qu'actuellement, ils sont interdits, mais on en retrouve encore dans les sols, avec toute cette chaîne alimentaire qui peut être contaminée. Si vous en avez dans les sols, vous allez en avoir dans l'herbe. L'herbe, elle va être broutée par la vache. La vache va le concentrer dans le lait. Le lait, vous allez le boire. Et donc, la femme va concentrer peut-être le lait dans son lait à elle. Et le gamin et le bébé va être alimenté. Donc, on en est dans une chaîne avec les organochlorés qui a été quand même très impactante et qui fait qu'actuellement, vous n'avez plus aucun organochloré sur le marché. Le dernier, c'était l'endosulfan qui était dans les traitements de semences. Et maintenant, on utilise d'autres insecticides justement qui sont quand même beaucoup moins toxiques. L'autre grande classe d'insecticides, c'était les pyréthrinoïdes de synthèse qui existent toujours à actuellement, qui sont des dérivés synthétiques de la chrysanthème, de la pyrète de la chrysanthème, et qui ont une toxicité moindre que ceux que je vous ai cités précédemment, qui ont une toxicité moindre et qui sont aussi beaucoup moins rémanents. Donc, rémanent, c'est qui reste dans l'atmosphère, dans le sol, que les autres dont je vous ai parlé précédemment. Mais plus on essaye d'être, sécuritaire en retirant ces produits hyper dangereux et en les remplaçant par des insecticides moins dangereux, plus il y a communication, mais ça, c'est pas le même fait, c'est parce qu'il y a Internet, parce que les gens se documentent, parce qu'on nous alerte beaucoup sur l'état de la planète, plus ces produits sont mis en lumière et plus on va être attentif, alors qu'ils sont moins dangereux qu'auparavant. Mais ce n'est pas plus mal, ça nous oblige surtout à faire toujours la même chose, une évaluation pour utiliser le minimum de produits sur le maximum de cultures et avec un minimum d'impact humain sur la santé humaine et sur l'environnement. Mais voilà, moi je dirais que moins les produits sont dangereux, plus on communique dessus et plus du coup on est obligé de faire attention à ce qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'il y a un réajustement qui est en train de se faire et la société aujourd'hui nous demande de produire mieux avec moins de produits. Ben, on va s'adapter, on va le faire. On va le faire, mais avec moins de main-d'œuvre. Alors, Quand je vous parlais tout à l'heure du travail sous le pied de vigne, du cavaillon, ce qu'on appelle le cavaillon, c'était un travail qui demandait beaucoup de personnes. C'était un travail assez fastidieux qui a été remplacé par la chimie pour obtenir un résultat avec moins de pénibilité et un bon résultat puisque ça a permis de produire mieux et plus. Nous l'avons bien compris, le développement de l'agrochimie découle d'une volonté de reconvertir l'industrie de guerre. Ce qu'on appelle alors la viticulture conventionnelle va pouvoir utiliser de nombreux produits dont la toxicité ne pourra être démontrée que plusieurs décennies plus tard. Aujourd'hui, beaucoup de ces produits ont été retirés de la commercialisation, mais continuent d'avoir un impact sur l'environnement et la santé. Ceux qui sont toujours utilisés par les exploitants, car autorisés par les autorités sanitaires, font l'objet de nombreuses controverses. En dehors des labels, la pratique dite conventionnelle, ou traditionnelle selon qui l'emploie, a également évolué et n'a plus grand-chose à voir avec la pratique d'après-guerre. Du coup, quand moi je suis revenu il y a à peu près 10 ans, on était principalement en culture raisonnée. Julien Bonneau, viticulteur bio et biodynamie au château du Haut-Grelot. Ce qui était déjà mis en place depuis pas mal d'années, c'était la partie raisonnée aux petites doses, c'est-à-dire déjà une sensibilité à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc en tous les cas, c'est d'avoir une compréhension maladie cryptogamique de manière très fine et intervenir lorsqu'il était nécessaire et avec la dose vraiment nécessaire. Voilà. Donc c'était déjà une réduction, c'est déjà une volonté d'aller dans le sens un peu plus écoute du vignoble. Et je vous dis aujourd'hui, de toute façon, enfin, je pense que là-dessus tout le monde est d'accord. Marie Benoît, viticultrice installée depuis 2015 sous l'appellation Côte de Bourg, est membre de l'Association des jeunes vignerons de la CAF coopérative des vignerons de Tutiac. Il n'y a plus grand monde aujourd'hui, à mon avis, très très peu de viticulteurs qui traitent parce que systématiquement, on doit traiter. Quoi. Ça n'existe plus, ça. Et ça, qu'on soit bio ou conventionnel, je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Quoi. Avant, on traitait parce que ça faisait partie de... C'était comme ça, quoi. C'était sécurisé au maximum. Et donc, du coup, ben, quand c'était 10 jours, au 10e jour, tout le monde traitait. Et puis, au moins, on était tranquille. Il n'y avait plus de problème de... Aujourd'hui, je pense qu'on est tous plus responsables. Et puis, l'écologie, on n'en parlait pas. Voilà, on n'en parlait pas, alors que maintenant, c'est un énorme sujet. Donc, je veux dire, et même pour nous les jeunes, en plus, je pense qu'aujourd'hui, on est tous conscients qu'il faut faire, faut être vigilant sur ce qu'on fait et sur ce qu'on pratique, et qu'il y a eu une génération, effectivement, plusieurs d'ailleurs, même, qui n'était pas sensibilisée à ça non plus, quoi. Hein, voilà, donc. Je suis rentré sur la propriété en 85. En 89, j'ai fait 3 traitements anti-mildiou et à petite dose. Et quand j'en parlais avec mes voisins, j'étais un peu traité de fou, alors ça m'allait très bien. Parce que normalement, on traite plus régulièrement que ça, tu as pris énormément de risques, le gamin. Cette période-là, c'était une année exceptionnelle où il n'y a pas eu de maladie, où tout était très bien. Et pourquoi utiliser des produits ? C'était ma réflexion. Pourquoi utiliser des produits alors qu'il n'y en a pas besoin ? Aujourd'hui, si ça se reproduisait, je ne sais même pas si j'en ferais 3 traitements avec toutes les connaissances qu'on a acquises. Si les pratiques évoluent, parfois dans un bousculement, parfois sans même qu'on puisse s'en rendre compte, le futur de la viticulture reste encore à dessiner. C'est un moment important qui est en train de se jouer, puisqu'on est en train de nous dire vous n'allez plus employer de produits chimiques pour désherber. Mais il va falloir utiliser des méthodes qui vont être beaucoup moins consommatrices de main-d'œuvre. Et il n'est pas question de revenir à des méthodes ancestrales parce qu'on n'a plus le personnel pour le faire. Donc là, on a une période charnière qui est en train de voir le jour et on va certainement avoir une robotisation importante dans les vignes pour justement pallier ce manque de main-d'œuvre pour travailler les sols Donc là l'homme va s'adapter une fois de plus, l'agriculteur va s'adapter et il va faire entrer dans les vignes des robots. Ça va être l'avenir, ça va être l'avenir proche. Si l'avenir proche mobilisera peut-être de nouveaux outils pour aider les viticulteurs à faire face aux nouvelles exigences de la société, la robotisation n'est peut-être qu'une étape vers un réenchantement plus général des professions agricoles. On écoute Karine Magot et Karine Galante, salariées au sein de la coopérative des vignerons de Buzet, coopérative engagée au sein du programme régional Vitirev, qui cherche à inventer de nouvelles pratiques viticoles. Donc moi, je pense que quand on parle de la robotisation, ça peut être une étape qui peut permettre de faire passer, en effet, cette étape de transition, parce qu'en effet, on n'a pas forcément la main-d'œuvre, on n'a pas forcément... Mais en tout cas, ce n'est pas la fin en soi. La fin en soi, ça serait d'aller sur un vignoble résilient qui arrive à être, j'allais dire, plus tolérant avec les champignons, etc., et à mieux se défendre, ou à ce qu'on soit juste là pour l'accompagner, pour qu'il arrive à se défendre sans qu'on ait à utiliser des produits phytosanitaires. Mais oui. Ça, c'est peut-être une utopie. Sans doute par des vignobles plus petits et avec une main-d'œuvre quand même un petit peu plus intense qu'aujourd'hui, enfin un peu plus importante qu'aujourd'hui. Donc, un réenchantement quelque part aussi de la profession. Ça, on a du mal aujourd'hui à trouver des saisonniers pour travailler dans la vigne, quoi. Donc, il faut peut-être aussi réenchanter la profession de viticulteur et la mettre en avant. Enfin, voilà, c'est pas forcément évident. Un changement de paradigme, quoi. Maintenant que nous avons bien compris que les savoir-faire viticoles remontent à l'Antiquité et qu'ils ont subi de nombreuses transformations, notamment dues aux impératifs de sécurité alimentaire et au développement de la mondialisation, nous allons aller à la rencontre des chefs d'exploitation et des opérateurs viticoles pour comprendre comment s'exerce aujourd'hui cette profession et à quoi ressemble une année dans les vignes. Au gré des échanges avec les vignerons, nous avons essayé de comprendre ce qui pousse aujourd'hui à s'engager dans cette voie et les différentes facettes qui composent ce métier très complet. Nous écoutons Laurent Bernos, directeur du service Vigne et Vin à la Chambre d'agriculture de Gironde. La culture de la vigne, ça fait des millénaires qu'on cultive la vigne, bientôt dans nos bassins méditerranéens. Et la vigne est toujours là, elle a été plus ou moins importante, mais elle a toujours été là, c'est un point important. Et je pense que c'est fou de dire que les agriculteurs ne sont pas conscients de ça. Ils travaillent avec le terroir. Et la notion de terroir, c'est cette continuité, c'est ce respect en fait aussi des traditions, mais dans le bon sens du terme. Et voilà, l'objectif, c'est de faire un vin. On n'a pas besoin de vin pour vivre, mais par contre, c'est quand même très convivial. Et pour nous, dans nos cultures, c'est quand même très important. Et voilà, ce n'est pas du blé, du vin. Moi déjà, travailler en extérieur pour moi c'était quelque chose de primordial. Marie Benoît, viticultrice installée depuis 2015 sous l'appellation Côte de Bourg, est membre de l'association des jeunes vignerons à la CAF coopérative des vignerons de Tutiac. Et la nature, les changements de saison, on change de travaux, donc on ne fait jamais la même chose. Donc ça pour moi, c'était vraiment un point, je trouve, dans le métier, voilà, c'est hyper intéressant parce que voilà, on suit l'évolution de la plante, on suit l'évolution de nos raisins, et puis ça change, quoi. C'est ça, voilà, c'est jamais la même chose. Donc ça fait partie vraiment des choses les plus intéressantes dans mon métier, quoi. Et puis arriver au vendant, bien sûr, récolter le fruit du travail de l'année, je trouve que voilà, ça c'est le summum, quoi. C'est un métier de passion, je pense, agriculture. David Lapoumérouli, viticulteur bio au château La Brolterie. Sur la viticulture ou l'agriculture, qu'on soit éleveur, maraîcher, viticulteur, c'est un métier de passion. Il faut travailler avec les aléas climatiques. On fait de la vente directe, la commercialisation, c'est pareil, ça pèse. Dans l'agriculture, on n'a pas qu'un seul métier, je pense. On a plusieurs casquettes sur un métier. Moi, c'est ce que je trouve après. Moi, si je parle à titre personnel... Nicolas Caro, viticulteur et président du syndicat viticole Blaye, Côte de Bordeaux. Finalement, je ne fais pas du tout le métier que j'imaginais quand j'étais petit. Et avant de faire mes études, je m'imaginais avec un chapeau de paille sur un tracteur ou dans les vignes. Finalement, je suis plutôt en costume derrière un bureau ou dans un avion pour aller vendre le vin. On est 400 viticulteurs sur l'appellation. On a, je pense, chacun 400 métiers différents, puisque viticulteur, en fait, c'est un métier où on a plein de casquettes. On est à travailler dans les vignes, on est à travailler dans le chai, on est à vendre notre vin, on est à gérer une entreprise. Alors sur des toutes petites structures, il faut faire, faut tout faire. Sur des structures un petit peu plus grosses, on se spécialise plutôt sur un domaine. Donc voilà, c'est ce que je disais, je suis plus en costume à serrer des mains de clients, enfin quand il y avait le droit, avec un chapeau de paille et le volant du tracteur entre les mains, même si ça me manque parfois. Marc Saubois, professeur en viticulture et œnologie au Centre de formation des apprentis agricoles de la Gironde. Sans devenir des chefs d'entreprise. D'ailleurs, je dis toujours aux élèves, est-ce que vous connaissez un métier où il faut maîtriser la production, la transformation, la commercialisation, la comptabilité ? Il n'y a aucun métier qui soit aussi complet. Produire du vin, c'est donc un métier de passion, d'extérieur et de forte connexion avec le terroir. Mais c'est aussi un métier qui a beaucoup évolué au fil des années et qui s'est beaucoup diversifié. Une question fondamentale cependant que nous nous sommes posée. La vigne, comment pousse-t-elle ? Que se passe-t-il dans les rangs de vignes, saison après saison ? Commençons par l'hiver, où la vigne est plongée dans un repos végétatif. Écoutons Christophe Terrijol, viticulteur au Château des Matards, et Marc Saubois, professeur en viticulture et œnologie au Centre de formation des apprentis agricoles de la Gironde. On a les quatre saisons qui sont un petit peu, alors qui reviennent tous les ans de la même façon, et la vigne se développe tous les ans de la même façon. On a une période calme qui va après les vendanges jusqu'au mois de mars, où là on a un repos végétatif. Donc la vigne, il se passe presque rien si ce n'est la taille. Alors ça c'est le début, parce que c'est cyclique, donc c'est le début ou la fin, d'accord. Bon, donc on commence par tailler pour enlever les bois supplémentaires l'année dernière. De la taille, donc ensuite on va faire des travaux qui sont moins significatifs en termes de formation, c'est-à-dire vous avez donc pliage des bois pour quand on fait des tailles longues. Quand c'est taille courte, ce n'est pas nécessaire. Après, on va donc faire ce qu'on appelle l'entretien du palissage. Il y a des termes locaux qui s'appellent sécaillage, carassonnage, selon les régions. Donc, c'est changer les piquets cassés, les fils de fer, remplacer les pieds manquants liés aux maladies. Le début de la viticulture, de la saison viticole pour un viticulteur, c'est la taille. C'est-à-dire le moment où on va sélectionner le bois qui va fournir le raisin. Donc c'est une période très calme en apparence, puisque on n'a pas la contrainte du temps. C'est une période qui dure environ 4 mois, où là, on a des travaux à faire, mais des travaux pour préparer la future récolte. Souvent, c'est une période où on voit beaucoup de monde dans les vignes travailler manuellement et peu de tracteurs circuler. Même si aujourd'hui il y a pas mal de mécanisation sur certaines tâches de taille, mais on a quand même une prédominance de l'homme et de l'humain dans ce travail-là. Et c'est une période aussi calme au niveau traitement, puisque on n'y fait pratiquement rien en utilisation de produits, sauf peut-être le désherbage en fin d'hiver, mais c'est une pratique qui va diminuer, voire disparaître avec le temps, puisque le désherbage devient de plus en plus controversé. Et puis l'hiver, ça se fait pendant l'hiver, on a ce que les opérations dites d'élevage du vin. Donc ça se fait pendant la taille, donc où on va faire les clarifications du vin, c'est-à-dire pour qu'il devienne limpide et le stabiliser pour enlever des éléments qui pourraient être source de contamination ou de problèmes dans le vin. Et puis les mises en bouteille. Alors ça, les mises en bouteille, par contre, c'est en fonction des demandes commerciales. Il peut s'en faire une avant Noël, une autre un peu plus tard. Donc ça, c'est propre à chacun. Et ça, c'est un peu toute l'année. À partir de mars, l'hiver laisse place au printemps. C'est le début des travaux du sol pour accompagner la pousse de la vigne. Ensuite, il va y avoir des travaux du sol parce qu'on arrive au printemps. Donc c'est là qu'il va y avoir plusieurs types de travaux. Ça peut être des travaux de type labour, donc ce qu'on appelle travail du sol. Des labours, ça peut être des fois des enherbements ou des engrais verts où on va donc semer des plantes ou les désherbages chimiques. Donc, des herbages chimiques souvent qui sont limités à deux applications, une au printemps et une en été. Voilà. Ensuite, donc, la vigne commence à bien pousser. Donc, on va commencer par faire les premiers traitements. Traitements qui vont durer à peu près jusque début août. Mais donc, avec un rythme qui est environ pour les bio, ça va être des fois 4-5 jours. Et ça peut monter jusqu'à 12-14 jours pour des gens conventionnels selon les produits qu'ils utilisent. La croissance végétative qui réapparaît. Et vous allez avoir les premières feuilles qui vont naître. C'est le renouveau, c'est-à-dire que c'est le printemps. C'est la période où les feuilles des arbres réapparaissent. Et c'est la période d'activité intense en viticulture, puisque c'est plus nous qui faisons les choses quand on le veut, c'est la vigne qui, par son développement, va nous inciter à faire plus de choses. Le printemps, s'il est synonyme de renouveau, est aussi annonciateur de l'arrivée de pluie, liée notamment au climat océanique. Le printemps est donc une saison particulièrement humide en Haute-Gironde. Ce climat changeant, qui peut alterner entre soleil et pluie, impose aux viticulteurs d'être particulièrement observateurs et d'agir rapidement en cas de changement météorologique. Ces pluies favorisent le développement des maladies et des parasites de la vigne, qui peuvent avoir des conséquences désastreuses pour les vignobles. Et qui dit pluie va dire développement de champignons. Et ce développement de champignons, on va le voir réapparaître sur beaucoup de plantes. Vous pouvez avoir des feuilles d'arbres qui vont être tachetées, des feuilles d'arbres qui vont devenir blanchâtres. Ça peut même, à un certain moment, lorsque la pression de champignons est trop importante, ça peut détruire carrément toutes les feuilles de l'arbre. Et évidemment, la vigne, qui est une plante comme toutes les autres, a ses parasites. Et ces parasites, ils peuvent entraîner la perte de récolte. C'est-à-dire qu'à partir du mois de mai, avril-mai, s'il y a une pression parasitaire trop importante, on peut très bien ne pas avoir de récolte par la suite. On borde l'estuaire, on a quand même un climat très marin, maritime. On est pas Julien Bonneau, viticulteur bio et biodynamie au château du Haut-Grelot. On n'est pas comme, par exemple, dans le sud, le sud-est de la France, où il y a le Mistral qui est très présent, donc il y a forcément des horaires où c'est plus facile que d'autres. Il y a très tôt le matin, parce que sinon l'après-midi il fait 40 degrés et ce n'est pas possible. Donc, ils travaillent très tôt le matin. Nous, il y a pas de. Il peut pleuvoir le matin et faire très beau l'après-midi. Ça peut être l'inverse. Nous, on a cette influence quand même maritime qui est très contraignante et qui fait que il faut vraiment s'adapter. Il faut avoir nos stations météo, voir ce qu'elles disent, faire confiance aussi aux prévisions météo et puis intervenir. Donc voilà. Donc ça demande pour nous, et que ce soit mes équipes et moi, d'être très formés. Parce que d'intervenir quand il faut ou quand on a juste la fenêtre pour le faire, il faut de nous-mêmes être autonomes sur l'utilisation des produits, sur quel produit, quelle dose on va faire. Donc ça demande une formation aussi très approfondie. C'est ça qui fait peur des fois peut-être pour trouver des personnes qui veulent travailler avec nous, c'est aussi cette contrainte-là qui ne dure pas longtemps, c'est 3 mois de l'année. C'est vraiment au moment où la vigne pousse, c'est avril plus ou moins suivant les saisons, mais avril, donc mi-avril jusqu'à fin juin. Voilà, c'est vraiment ces moments-là où, même mi-juillet, et c'est vraiment là où il faut être présent, comme pour les vendanges, il faut être présent, mais il faut être à la fois dans les vignes et aussi très réactif. Aujourd'hui, des adaptations d'horaires en termes de saison aussi. Lorsqu'il pleut, on ne peut pas forcément intervenir. Dès qu'il fait beau, on sort. Voilà. Donc il y a vraiment ce côté où l'aspect interventionniste dans les vignes n'est plus tellement lié un peu au jour de la semaine, au jour des week-ends. Il est lié à quand il fait beau et quand il ne fait pas beau. Donc, on a des... j'ai la chance d'avoir des équipes qui sortent avec moi le dimanche. Du coup, moi, ça m'a demandé de, aussi de travailler en fait sur le dimanche pour pouvoir intervenir au bon moment. Pas que je ne travaillais pas avant, mais des fois, je faisais beaucoup plus de commerce le dimanche avant. Et aujourd'hui, non, on change, on passe dans les... on est dans les vignes. Donc, c'est, voilà, c'est aujourd'hui suivre l'aspect météo avant tout le reste. Nous écoutons Christophe Chetti, viticulteur Terravitis en conversion bio au Château Mercier. Alors, les principales maladies qui vont nous embêter, c'est le mildiou, c'est vraiment le premier, qui est un champignon. L'odium aussi, qui est un autre champignon, mais qui est peut-être plus facile à maîtriser, en tout cas dans notre région. Et ensuite, on a les vers de grappe dont je parlais tout à l'heure, donc Cochilie Eudémis, qui eux vont pondre sur le raisin et en induire donc de la pourriture en approchant la récolte. Dans un premier temps, on va pouvoir perdre une partie, voire tout le feuillage. Dans un second temps, enfin, et en même temps, ça va pouvoir aussi, à certaines autres périodes, attaquer le raisin, dont les grappes. Et donc là, on peut perdre 100% de la récolte, hein, ce qui est arrivé malheureusement à certains collègues en 2018, une année où il y a très très forte pression mildiou. Quand la pression est très importante, il existe aujourd'hui certaines assurances multirisques climatiques qui peuvent prendre une partie en charge, mais tous les frais qui ont été engagés pendant l'année ne servent à rien. C'est comme si vous travaillez et puis à la fin du mois, on vous dit « bah non ». Votre salaire, finalement, on ne peut pas vous le verser. c'est la même chose, sauf que nous, c'est sur un an. Et ça peut aller même jusqu'à mettre en péril une partie de la récolte de l'année suivante. Parce que si la vigne ne fait pas de réserve pendant l'hiver, elle ne va pas pouvoir mettre en œuvre tous ses bourgeons en début d'année pour repartir. Donc on peut aussi mettre en péril une partie de la récolte de l'année suivante. Donc c'est vraiment important de se protéger correctement. La fin du printemps et l'été voient les vignes pousser et les travaux dans les vignobles se multiplier. Jusqu'aux vendanges, c'est une période particulièrement intense pour les exploitants. Donc ensuite, la végétation commence vraiment à bien pousser. Donc on va commencer à faire ce qu'on appelle les opérations en vert. Donc on a des rameaux non fructifères qui poussent qu'on va enlever. On appelle ça ici de l'épamprage ou de l'ébroulage, ou ça peut être également des termes. Donc on enlève tous ces rameaux donc non fructifères. Bon, certains, des fois, on les garde pour la taille. Ensuite, les rameaux qui retombent sous l'effet de leur poids, on va les relever. Donc, on appelle ça le levage. Et on repassera un petit peu plus tard pour faire le relevage. Et puis, quand la vigne est bien levée, donc, il y a toutes ces têtes qui continuent à pousser. Et on va donc les essimer. Donc, là aussi, couper tout ce qui est les têtes. Donc, c'est essimer, rogner. Ici, dans le Blayais, on appelle ça estraper. Donc, là aussi, des termes qui sont propres à chaque région viticole. Voilà. On commence à voir les bois qui se développent, qui poussent. Et là, c'est la période des levages, c'est-à-dire que dans nos régions où le climat peut être soit tempétueux, soit humide, soit trop ensoleillé, mais on met les rameaux droit sur un rang de vigne, c'est-à-dire c'est là qu'on fait les rangs de vigne, hein, vous voyez, c'est ces bois qui poussent droit, et puis aussi les cépages, on a des cépages qu'il faut aider, parce que sinon, ils auraient vite fait tomber au sol, et ce serait, on ne pourrait plus passer dans les rangs de vigne. Donc là, on fait le palissage de la vigne, c'est l'élevage, relevage, et c'est une période qui dure à peu près 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Là, on peut avoir du matériel agricole qui passe pour nous assister, pour nous aider. Donc il y a un peu moins de main-d'œuvre peut-être dans cette période-là, mais ce qui est important de voir, c'est que c'est une période où tout va très vite, et jusqu'au mois de juillet, on court un petit peu. C'est-à-dire du mois de mai au mois de juillet, on court un petit peu. Et on a et c'est là qu'il y a des traitements qui se font. Il existe plusieurs types de produits. Les produits de contact, qui viennent se poser sur la plante pour la protéger, et les produits pénétrants qui, comme leur nom l'indique, pénètrent la plante. Les produits dits de contact sont particulièrement lessivables. C'est-à-dire qu'en cas de pluie, il faut traiter de nouveau la vigne. Si les viticulteurs en conventionnel utilisent les deux types de produits, Les viticulteurs en agriculture biologique utilisent exclusivement des produits de contact, et plus précisément, le cuivre et le soufre. Tous les débuts de traitement et les fins de traitement, souvent, sont faits avec des contacts. Et après, Marie Benoît, viticultrice et membre de l'association des jeunes vignerons de la cave coopérative des vignerons de Tutiac. Et après, on utilise souvent des pénétrants et des systémiques. Alors, les contacts, c'est 8 jours de rémanence. Les pénétrants, c'est 10-12 jours. Et après, c'est au-delà de 12 jours, c'est les systémiques. Quoi. Voilà. On n'a qu'une seule matière active, donc c'est le cuivre. David Lapoumérouli, viticulteur bio au château La Brolterie. Le cuivre est un produit préventif et il faut qu'il soit sur la vigne ou sur le végétal, enfin sur les légumes, avant la pluie. Sinon, il n'est pas efficace. Si c'est après, c'est trop tard. Et c'est lessivable. Et lessivable au bout de entre 15 et 20 mm. Donc ça veut dire que sur des semaines, comme ça nous est arrivé, eh bien, on est obligé de passer des fois deux fois dans la semaine. C'est un peu la contradiction dans la production bio, c'est qu'on fait énormément d'heures de tracteur. Ben ça, c'est le problème de la bio, c'est les heures de tracteur. Mais on est obligé de faire comme ça, on n'a pas d'autre solution. Alors c'est vrai qu'en bio, oui, on traite beaucoup plus. Enfin, c'est des cadences au moins une fois par semaine, ça c'est le minimum, voire deux, suivant la pression. On ne traite pas pour le plaisir, hein. C'est du temps, c'est un peu c'est de l'argent, donc c'est vraiment le fait quand il y a besoin. Donc, dès qu'on peut s'arrêter. Mais je reconnais que les mois de mai et juin sont des mois où on n'arrête pas. L'année viticole se conclut en septembre par les vendanges, un moment festif qui rassemble producteurs, saisonniers et habitants. En fonction des vins souhaités, chaque viticulteur fixe lui-même la date et l'heure de la récolte de ses grappes. C'est un moment essentiel qui marque la fin d'une année intense de travail. Maintenant que nous sommes allés à la rencontre des viticulteurs, pour comprendre cette profession relativement méconnue et les différentes étapes de fabrication du vin, nous allons aller à la rencontre des différents opérateurs viticoles pour comprendre comment se structure aujourd'hui la filière, mais également les difficultés économiques et d'image auxquelles elle fait face. Comment passe-t-on d'une vigne de coteaux à Blaye à la vente d'une bouteille à Shanghai ? Pour résumer, les vignerons peuvent produire leurs raisins, puis avoir leur propre chai pour s'occuper de la vinification, de la mise en bouteille et enfin de la vente. Ils peuvent aussi s'occuper exclusivement de la pousse et de la récolte du raisin et laisser à d'autres le soin de s'occuper des étapes nécessaires à la transformation de la matière première en vin, puis de sa commercialisation en France ou à l'international. Plusieurs viticulteurs peuvent décider de se regrouper pour vendre à une cave coopérative leur production. La coopérative s'occupe alors de la vinification et de la commercialisation des produits. Les bénéfices réalisés sont ensuite reversés aux adhérents coopérateurs. Marie Benoît, viticultrice en Haute-Gironde, est membre de la coopérative des vignerons de Tutiac. Cette cave coopérative réunit près de 450 vignerons et est le premier producteur de vin d'appellation d'origine contrôlée en France. Quand on s'installe, on peut très bien avoir son chai et faire tout de A à Z, de commercialiser. Moi, si j'ai choisi d'être en coopérative, c'est parce que je ne me sens pas une âme de commercial, quoi. C'est pas du tout mon truc, quoi. Voilà. J'aime cet esprit-là aussi, et je vous dis, en plus, mon oncle était coopérateur, mon arrière-grand-père était coopérateur. Et j'aurais pu faire le choix parce que j'ai travaillé, je vous dis, 16 ans dans un chai où il y avait un chai particulier, où il y avait toute cette partie de commercialisation, tout ça. Quand on fait ça, c'est tous les jours, et puis je vous dis, voilà, faut être multicarte, quoi. Moi, j'admire tous ceux qui le font, et puis malgré tout, on a la satisfaction de présenter, de voir son produit du début jusqu'à la fin. Nous, peut-être, c'est vrai qu'en coopérative, un petit peu moins, on le voit moins parce que au chai, c'est des salariés qui font le vin, donc on voit moins l'évolution des choses. Nous, en fait, une fois que c'est récolté, donc on va dire le job est terminé, oui, un petit peu. C'est-à-dire qu'après, voilà, c'est au niveau de la cave, tout est repris, donc et après, ben, Il y a différents services, la vente vrac, vente export, vente au niveau national. Et nous, après, en fin de compte, on a un rythme de répartition qui est posé. Et donc, par exemple, quand on récolte en septembre, on commence à être énuméré au mois de juin de l'année d'après. La seule chose qu'on nous demande, c'est de faire un petit peu de com. Et effectivement, s'il y a un événement particulier dans la région ou quoi, venir servir, si on a un stand ou quoi, voilà, promouvoir un petit peu la coopérative. Voilà, c'est la seule chose qu'on nous demande. Et après, on n'a pas d'obligation, voilà, dans la vente, tout ça, on n'est pas du tout obligé de s'investir après les ventes, quoi. La vente, justement, cette partie du travail dont a voulu s'émanciper Marie Benoît en intégrant une cave coopérative, incombait historiquement aux négoces viticoles. Les négociants, comme les cavistes, sont des intermédiaires possibles entre les producteurs et les consommateurs. Ils ont une vue d'ensemble sur l'évolution du marché et sur les nouvelles attentes des consommateurs. Comme le dit Alan Sichel, qui dirige la négoce familiale Maison Sichel, basée à Bordeaux depuis 4 générations, les négociants sont à considérer comme le bras armé commercial de la viticulture. Notre caractéristique, c'est d'être très impliqué sur l'amont de la filière avec nos vignobles, avec notre cave de vinification. Donc nous achetons du raisin à une trentaine de viticulteurs et vinifions nos propres marques que ensuite nous commercialisons dans une cinquantaine de pays. Donc nous sommes très orientés sur l'export. 80% de notre activité est orientée vers des pays à l'exportation. Là-dessus, on a une diversité de clientèle qui est très très large parce qu'on va travailler à la fois avec l'importateur qui rayonne de manière très locale dans une ville, dans une région, mais aussi des importateurs plus importants en fonction du pays qui rayonnent au niveau national. On travaille avec les compagnies aériennes, avec les monopoles d'État. Et puis, donc, en France, on peut travailler aussi bien avec le caviste local et le restaurateur sur l'ensemble du territoire. Donc, une activité très large, impliquée de l'amont de la production de raisins jusqu'à la commercialisation aux quatre coins du monde. On a une organisation de la filière à Bordeaux qui est quand même très singulière avec la famille des viticulteurs et la famille des négociants. Et c'est ces deux familles qui sont représentées au niveau du CIVB. C'est singulier parce que, et c'est dû à des raisons historiques, aujourd'hui on a encore 6000 viticulteurs, mais il y a 50 ans on en avait 45 000. Et donc, on avait un très très grand nombre d'opérateurs sur des surfaces moyennes faibles, avec des volumes à commercialiser individuellement qui étaient relativement faibles, et finalement, pas de justification ou une impossibilité économique pour chacun de mettre en place des réseaux de distribution qui allaient vendre ses vins dans le monde entier. Et c'est bien au niveau du XVIIIe siècle, avec l'ouverture de Bordeaux sur le monde, et la grande augmentation du trafic, notamment vers l'Angleterre, qu'il y a des commerçants qui se sont installés à Bordeaux pour acheter les vins que faisaient les viticulteurs et les vendre, notamment dans les pays d'Europe du Nord et progressivement vers les autres pays du monde. C'est un système qui a perduré et qui reste. Le négoce doit être considéré comme le bras armé commercial de la viticulture. Aujourd'hui, le négoce commercialise à peu près 75% des volumes produits en Gironde. C'est très important, c'est essentiel, mais ce n'est pas exclusif. Il n'y a pas d'obligation de passer par le négoce pour commercialiser ses vins. Mais moi, je considère que le négoce et ce fonctionnement de la place de Bordeaux est un outil commercial remarquable, très puissant, parce qu'on compte à peu près 300 négociants actifs. Là-dessus, on a plus de 3000 commerciaux spécialisés sur les vins de Bordeaux qui arpentent les villes du monde entier tous les jours avec l'ambition de vendre davantage de vins. Il existe également des opérateurs chargés de promouvoir les appellations, comme les interprofessions. L'interprofession des vins de Bordeaux, c'est le CIVB, cette instance qui réunit des négociants, des courtiers et des viticulteurs, est chargé de promouvoir l'image des vins de Bordeaux en France et à l'international. J'ai aussi un rôle en tant que vice-président du CIVB. En termes de mon implication sur les actions justement collectives pour orienter la filière et un peu sauvegarder ses intérêts. Et puis surtout, la mission principale du CIEB, c'est quand même de promouvoir les vins de Bordeaux dans l'ensemble du monde. Les syndicats viticoles, également appelés ODG pour Organismes de Défense et de Gestion, ont également ce rôle de promotion, mais pas que. Ils travaillent au plus près des vignerons, les accompagnent et les conseillent tout au long de l'année. Ce sont également les syndicats qui élaborent et garantissent l'application du cahier des charges permettant d'attester de la qualité et de l'origine d'un vin. C'est ce qu'on appelle les AOP, les appellations d'origine contrôlée. Nous écoutons Nicolas Carreau, viticulteur et président du syndicat viticole Blaye, Côte de Bordeaux. Donc je suis président du syndicat viticole de Blaye. C'est une instance qui représente l'ensemble des vignerons de l'aire d'appellation Blaye-Côte de Bordeaux et de l'appellation Blaye. Ça réunit environ 400 vignerons, la moitié qui sont en cave coopérative et l'autre moitié qui sont des viticulteurs en cave particulière. Donc le syndicat viticole a pour vocation la promotion et l'organisation de l'appellation d'origine contrôlée. Donc c'est l'organisme qui va s'occuper de tout ce qui est promotionnel, publicité, campagne radio, organisation d'événements de dégustation, voilà, tout ce qui va être la promotion de l'appellation. Et la deuxième partie qui est l'organisation, donc avec la gestion du cahier des charges, c'est-à-dire la règle du jeu en quelque sorte pour pouvoir produire de l'appellation Blaye-Côte de Bordeaux. Et pouvoir après organiser justement tout ce qui va être respect du cahier des charges, respect de la qualité, respect de tous ces aspects-là. Puisque on a la chance d'être en appellation d'origine contrôlée. Christophe Terrijol, viticulteur au château des Matards, sur la commune de Saint-Cierre-sur-Gironde. On n'est pas dans un objectif de rendement comme on peut l'être sur d'autres productions, les céréales, les pommes de terre. On est vraiment sur un objectif qualitatif, c'est-à-dire qu'on se doit, avec un cahier des charges, de faire un produit qui va être recherché par le consommateur. Parce qu'ils recherchent un goût, ils recherchent un produit d'une certaine qualité. Ces acteurs composent l'écosystème du vin de Bordeaux. Ensemble, ils forment toute la chaîne de fabrication, de la production du vin à Blaye à la commercialisation des millésimes jusqu'en Asie. Depuis quelques années néanmoins, les vins de Bordeaux traversent une crise à la fois économique mais également de réputation. D'abord, les politiques de lutte contre la consommation d'alcool ont entraîné une baisse tendancielle de la consommation de vin en France. Même si nous restons le premier pays consommateur au monde, la consommation par Français a quasiment été divisée par deux depuis les années 60. Ensuite, les enjeux autour des pesticides et de la préservation de l'environnement, portés sur les devants de la scène par l'émission Cash Investigation en 2016 puis en 2018, ont entaché l'image auprès des consommateurs. Cette crise est également renforcée par certains aléas climatiques, comme le gel, et par un certain durcissement des politiques d'importation, notamment en Chine et aux États-Unis sous l'ère Trump. L'ensemble de ces facteurs, auxquels s'ajoute la crise du Covid et la fermeture des lieux de distribution habituels, comme les restaurants et les bars, renforcent la crise que traversent les vins de Bordeaux. Nous écoutons Nicolas Carreau, viticulteur et président du syndicat viticole Blaye Côte de Bordeaux. Malheureusement, le contexte actuel du vin de Bordeaux n'est pas très bon. Avant même la crise de la Covid, on vivait une crise assez globale de surproduction de vin, avec en plus des gros marchés qui commençaient à aller mal. Le marché chinois était en forte baisse suite à des accords commerciaux que la Chine avait pu conclure, principalement avec l'Australie, mais aussi avec le Chili. Le marché américain était lui aussi très sévèrement touché avec des taxes à l'importation assez fortes qui avaient été mises en place dans le cadre du conflit entre Airbus et Boeing. À ça se rajoutait le Brexit et une consommation plutôt en baisse sur le marché français, une consommation globalement en baisse de vin et d'alcool, et particulièrement le fait que les vins de Bordeaux étaient plus trop à la mode. Bon. C'est compliqué, on a une multitude de facteurs négatifs qui s'accumulent. Didier Gontier, directeur du syndicat viticole des Côtes-de-Bourg. Bien évidemment. pour l'ensemble des vins de Bordeaux, mais aussi, bien évidemment, pour l'appellation Côte de Bourg. Quand on parle de l'arrêt de la restauration aujourd'hui, c'est un gros débouché pour nos vins. Quand on parle des difficultés à l'export, et notamment l'arrêt des salons internationaux, puisque nous, on a l'habitude, hein, depuis un certain nombre d'années, d'être présent dans les salons importants internationaux, notamment en Asie, Chine, Japon, par exemple. Cet arrêt-là fait que les relations avec nos prescripteurs, importateurs, distributeurs ne sont pas maintenues, et le contexte ralentit d'une manière très importante les volumes expédiés dans ces pays. Alors, c'est un cumul, notamment avec les États-Unis, avec les taxes également sur les exportations de nos vins aux États-Unis, le Brexit également, etc., etc. Bordeaux est une région de production très importante de par sa renommée, de par son image et aussi de par le volume que le vignoble produit. Alan Sichel, directeur de la négoce viticole Maison Sichel, basée à Bordeaux. On représente à peu près 15% des volumes produits en France de vin, donc c'est important. On représente au niveau mondial à peu près 1,5% des volumes produits. Donc oui, Bordeaux est une région importante, mais quand on le met en perspective de la production mondiale, 1,5%, bon, c'est significatif, mais bon, il y a du monde autour. Le principal marché de consommation des vins de Bordeaux est la France. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 56% des volumes produits des vins de Bordeaux qui sont consommés en France. Et ça, c'est en régression assez significative. D'une part, parce que la consommation en France diminue. Et là-dessus, je disais, il y a 50 ans, on avait 45 000 viticulteurs. Il y a 50-60 ans, on buvait 100 litres par tête par an. Aujourd'hui, on est tombé à 45. Aussi, on a le phénomène de déstructuration des prises de repas. Et le vin de Bordeaux, traditionnellement, a toujours été fortement consommé avec la nourriture, à table, lors des repas. Et puis, depuis 20 ans, depuis 30 ans, on voit une évolution des habitudes de consommation, un élargissement des occasions de consommation. Donc ça peut être en apéritif, ça peut être un verre de vin devant la télé, ça peut être à des multiples occasions. Et puis, en se détachant de plus en plus de cet élément central qui était le repas. Donc, consommation, la France et le pays de destination privilégié pour les vins de Bordeaux, mais c'est un marché qui est en train de se contracter. À côté, on a les pays européens qui sont des gros consommateurs des vins de Bordeaux et donc des grosses destinations de nos exportations, notamment l'Angleterre, la Belgique et l'Allemagne, qui a toujours été le trio de tête de nos exportations jusqu'à il y a 15 ans. Est arrivée, il y a une dizaine d'années, l'exportation vers la Chine qui s'est ouverte. Et donc, il y a 20 ans, on n'exportait rien vers la Chine. La Chine est devenue la première destination export des vins de Bordeaux. Si bien que, partant de rien, la Chine est arrivée à représenter le cumul de l'Angleterre, l'Allemagne et la Belgique. Et cette croissance du marché chinois a finalement compensé la baisse de consommation en France, mais aussi la baisse de part de marché sur les autres destinations européennes qui était le résultat de la concurrence de nouvelles régions de production, les vins du Chili, d'Argentine, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, ou les pays comme l'Angleterre qui sont très ouverts et il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas de chauvinisme vis-à-vis des vins français ou des vins de Bordeaux, contrairement à la France. On bénéficie au moins de ça en France. C'est-à-dire en France, quand même, les vins étrangers ont du mal à percer. Il y a encore cet attachement aux produits locaux. En Angleterre, comme il n'y a pas de production locale, ils sont très ouverts. Donc, alors que Bordeaux était un marché très important, il a été progressivement grignoté par des pays de ces nouvelles destinations qui ont été très, très agressifs commercialement pour gagner des parts de marché sur des pays comme l'Angleterre et aussi sur l'Allemagne. Il y a aussi le marché américain, qui est un marché mature, qui est un marché important et qui grossit en dehors de l'année 2020, mais qui grossit très progressivement, mais de manière très solide. Donc c'est une pente de croissance où on a encore beaucoup à gagner. Moi, je considère que aux États-Unis, Bordeaux sous-performe et qu'on doit gagner des parts de marché sur le marché américain. C'est difficile tant qu'on a ces taxes de 25% qui nous plombent beaucoup au niveau du prix de vente final du consommateur. On a eu les petites récoltes en 2013, en 2017. Et donc ça montre qu'il y a eu une baisse tendancielle de la production depuis 2013, impactée par des incidents climatiques. Limitée aussi volontairement au niveau des rendements pour ne pas déséquilibrer les stocks de la filière. Donc de manière artificielle aussi, on limitait les rendements pour ne pas surproduire. Par rapport au reste de l'agriculture, la viticulture a des objectifs un peu différents. Christophe Terrijol, viticulteur au château des Matards sur la commune de Saint-Cyr-sur-Gironde. Où on passe sur un produit de plaisir. Alors le produit de plaisir veut dire que on n'a pas les mêmes contraintes économiques qu'on pourrait l'avoir sur des productions de type céréalière où vous avez le cours du marché qui va influer énormément, cours du marché mondial qui va influer énormément sur l'économie de l'exploitation. Là, on est plutôt sur, avec le vin, un produit qui va chercher à... Enfin, le vin de Bordeaux qui va chercher à être valorisé. Donc ça c'est très important, cette notion-là, parce que ça nous enlève une pression économique mondiale. Mais ça reste quand même compliqué, parce que quand on dit vin de plaisir, ça veut dire qu'on change de catégorie et il va falloir vendre ce vin de plaisir, il va falloir le faire acheter, inciter les gens à acquérir ce produit-là, qui n'est pas un produit essentiel, qui est un produit secondaire, un produit de plaisir, on est bien dans le terme. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une identité forte de Bordeaux, c'est-à-dire que le consommateur, il ne tombe pas sur les vins de Bordeaux par accident, parce que c'est un verre parmi d'autres, mais c'est parce que c'est quelque chose qu'il veut à ce moment-là. On n'a pas besoin de chercher à faire des inconditionnels de Bordeaux. C'était le cas il y a 50 ans. Mais aujourd'hui, le consommateur est très éclectique. Il veut goûter à différentes choses, il veut comparer. Donc, ce qui est important pour nous, au niveau de Bordeaux, c'est d'avoir une identité forte. Et c'est là-dessus, le CVB, au niveau interprofessionnel, on travaille beaucoup avec un nouveau projet. C'est le positionnement, l'identité des vins de Bordeaux, véhiculer ça chez le consommateur. Donc il y a la dimension culture, il y a la dimension qualité, bien sûr. Vous me demandiez les caractéristiques du produit et les évolutions. Et là, je dis oui, il y a des choses qui sont assez transversales dans l'appétit du consommateur. Il y a 20 ans, il y avait une tendance pour développer le boisé. C'était considéré comme quelque chose de qualitatif. Aujourd'hui, ça fatigue plutôt le boisé. Est-ce que les gens, et ce n'est pas nécessairement 100% des consommateurs, mais ce qu'on ressent comme étant comme une vraie tendance sur de nombreux marchés, c'est des vins fruités, croquants, qui ont de la profondeur, pas avec moins de tanins, ou en tout cas des tanins moins marqués. Dans l'épisode suivant, nous nous pencherons sur l'émergence des préoccupations sanitaires et environnementales. Les riverains, les associations, l'ensemble de la société civile s'est progressivement emparé des enjeux autour des pesticides ou produits phytosanitaires qui cristallisent certaines tensions dans les territoires. Cet épisode a été réalisé dans le cadre du programme Cépage. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur la chaîne YouTube de la communauté de communes de l'Estuaire, ainsi que sur la chaîne de la Traverse, disponible sur toutes les plateformes de podcasts.